Dans les traces, le podcast ski de fond de Nordic Magazine. Bonjour, je suis Louis Delvinquière et aujourd'hui, je vais vous raconter ce qu'il faut retenir du Tour de ski 2021. C'est une édition du Tour de ski sans précédent qui vient de se boucler au sommet de l'Alpe Cermi, dominant le Val di Fiemme en Italie. Du côté des hommes, les enseignements et les événements ont été nombreux. Nordic Magazine, on a retenu 5 pour vous. Chapitre 1, Maître Bolchunov sur le Tour de ski. Prosternez-vous devant le guide suprême du ski de fond, pourrait-on dire, tant la domination d'Alexander Bolchunov sur les 8 étapes du Tour de ski fut impressionnante, quasi machinale. Une constance remarquable et un niveau hors pair sur les skis, comme en stratégie, ont conduit le Russe vers un deuxième succès consécutif. N'allez pas chercher bien loin. Le dossard jaune déjà arboré par Bolchou n'est tout simplement pas sorti du podium une seule fois en 8 courses. La grande carcasse du mètre 85 pour 83 kg d'Alexander Bolchunov a même levé les bras à 5 reprises. En plus de remporter le classement général avec plus de 3 minutes d'avance sur Maurice Magnifica, le natif de Podivod dans l'oblast de Briansk en Russie, s'adjuge le classement par points. Dossard jaune et rouge repartent donc dans l'escarcelle du ténor des pistes alpestres. Seul ombre au tableau du désormais souriant russe, la montée de l'Alpe Cermi, qui lui échappe encore et toujours. Il doit saluer la victoire du petit gabarit de Denis Spitsov, mais a tout de même terminé en deuxième position juste derrière. En revanche, avec une deuxième victoire consécutive, Bolchunov égalise Lucas Bauer, vainqueur à deux reprises, tout comme le viking Martin Yonselu Tsunbi. Devant lui se présente désormais l'ombre du grison Dario Colonia, monsieur tour de ski, vainqueur à 4 reprises. Chapitre 2, un tour de ski sans Norvégien, est-ce que ça change tout ? Les sceptiques diront que ce tour de ski ne fera pas figure de référence dans l'histoire des 15 éditions de l'épreuve. En cause, l'absence des équipes norvégiennes, féminines et masculines. Pas de Thérèse Jaug ni de Johannes Sløtlebø au départ donc. Mais, comme l'a rappelé le mousquetaire Hugo Lapalu à Nordic Magazine, les absents ont toujours tort. C'est surtout du côté des dames que ce retrait change tout. Depuis 2013-2014, le cristal pointu du trophée revenait à chaque fois à Oslo. Thérèse Jaug aurait même pu rejoindre la légende Justina Kovalchik avec une 4e victoire sur l'épreuve. Il lui faudra encore attendre pour mettre la main sur ce nouveau record. Marit Bjørgen, Heidi Weng et Ingvild Flatøsberg étaient les autres vainqueurs norvégiennes depuis 2013. La jante masculine profite elle aussi de l'absence des Norvégiens. Allusion directe à Johannes Sløtlebø, je pense. Le prodige de Trondheim, qui marchait sur l'eau sur la première Coupe du Monde de Ruka, aurait bien pu prendre sa revanche sur Bolchunov, qui l'avait battu à plate couture sur l'édition 2019-2020 avec son compatriote Sergei Oustiugov. Il n'en a rien été, une crise sanitaire est passée par là et a fait flotter son imprévisibilité et son indécision dans la tête du triple champion olympique et de sa délégation. On peut citer d'autres athlètes. Schurrøtte, qui a levé les bras à l'Igna, aurait bataillé farouchement contre l'ogre Bolchunov. L'indéboulonnable Hans-Christer Holund aurait bien tenté de déstabiliser les Russes par son sang-froid. Emil Iversen aurait fait figure d'épouvantail malgré son irrégularité inquiétante sur l'hiver. Et Erik Valnes aurait bien encore une fois surpris son monde, mais exclusivement en classique. Chapitre 3, Oscar Svensson, l'arbre qui cache la forêt suédoise. Les rayons de soleil se sont fait rares à Stockholm, ils n'ont d'ailleurs même pas effleuré la ville, l'astre scintillant n'a pas non plus touché l'élite nationale du ski de fond. Les espérances de tout un peuple semblaient se porter sur le prometteur William Poroma, qui n'a pu faire mieux que 2 chutes dans le Val di Fiemme et une anecdotique 23e place au classement général final. À côté des mésaventures du prétendu messie du fond suédois, un champion d'antan bataillait loin de ses espérances. Le grand Kalle Halvarsson n'y arrivait pas, n'y arrive plus. Les déconvenus se sont enchaînés pour le double médaillé d'argent sur les relais mondiaux. Dès lors, un homme a décidé de porter sur son dos tous les espoirs d'un pays. Tel Atlas avec le globe terrestre, Oscar Svensson a été surprenant de solidité. Si son classement général final n'a pas de quoi satisfaire, il termine 16e à plus de 8 minutes, le Suédois a signé 2 performances de haut niveau, dont une XXL. Il est à préciser que Svensson, du haut de son 1m90 et de ses 25 ans, est un spécialiste du classique. Son fait d'arme, la victoire, surprise, sur le sprint classique de Val di Fiemme, en surprenant tout le gratin mondial, dans la relance, vers la dernière ligne droite. Malin et puissant, le fondeur de Falun avait terminé 6e de l'individuel classique de Toblach quelques jours plus tôt. Mais son énorme craquage sur la poursuite libre du lendemain où il passait de la 6e à la 23e place l'a éloigné de tout résultat final. Sur la dernière montée, son grand gabarit ne l'a pas non plus aidé à faire mieux que 34e à plus de 2 minutes de la gagne. Chapitre 4. Maurice Magnifica serait-il le nouveau choriste des chœurs de l'Armée Rouge ? Quelle bataille ! Celle du chant du Pelle Nord du Seigneur des Anneaux aurait-elle quelque chose à envier à Maurice Magnifica ? Sans doute. En tout cas, on a rarement vu un homme battre autant de concurrents tout seul. Sur la poursuite classique de Toblach, le tricolore s'est retrouvé entouré de pas moins de 6 concurrents russes. Pas un problème pour Momo, sûr de ses capacités et de lui, en direction de sa destinée, vers un premier podium français sur le tour de ski. Il aura subi longtemps pourtant la pression d'Artem Maltsev qui va finalement craquer sur certaines épreuves, mais surtout du constant et battant Ivan Yakimushkin, un autre fondeur russe de la génération 1996, comme un certain Bolchounov. Finalement, c'est Denis Spitsov, vainqueur au sommet de l'Alpe Cermi, qui va se montrer le plus dangereux pour le Frenchie. Mais Magnifica en mode maître Bouddha a maîtrisé, jaugé, jugé et gagné. Dans la catégorie des humains, hors l'ovni Bolchounov, le fondeur d'Agi ressort vainqueur des championnats de Russie en terre suisse et italienne. Chapitre 5, Hugo Lapalu, une moustache teintée de vert. Si Maurice Magnifica a signé une performance extraordinaire dans l'histoire du ski de fond français, il en est un autre qui a pris rendez-vous avec l'histoire sur ce tour de ski version 2021. La crise sanitaire, les gestes barrières et tutti quanti, d'accord. Mais trop peu pour déstabiliser le médaillé mondial U23 de l'Aclusa, Hugo Lapalu. Are you big moustache? You are, se donnait la réplique Bourvil et de Funès dans la grande vadrouille. La moustache la plus mythique du panel mondial du ski de fond a, elle, amélioré à 2 reprises ses meilleures performances en carrière. Le tout jusqu'à arborer une fois le dossard vert de meilleur jeune, de le perdre pour la montée finale, avant de le récupérer après une 7e place au sommet. Une place pas anodine, car après un 2e top 10 consécutif sur l'Alpe Cermi, le Cluse s'invite cette fois-ci dans le top 10 au général final. Il est 10e. Une prouesse pour le fondeur de 22 ans, meilleur U23 au monde après la première partie de l'hiver et le premier gros rendez-vous de l'année. Mais n'oublions pas les Français en général. Clément Paris a même fait mieux que son compatriote avec une 9e place au général. Le Vosgien Adrien Backscheider suit de près au 13e rang, tandis que le Chartrousin Jules Lapierre est lui 20e. De beaux bleus, des émotions et des surprises, ce 15e tour de ski, je le pense, a été fantastique. Merci à vous d'avoir écouté le podcast Dans les traces, signé Nordic Magazine. N'hésitez pas à nous rejoindre sur nos réseaux sociaux et évidemment à vous abonner au magazine. C'était Louis Delvinquière et je vous dis à la prochaine pour de nouvelles aventures dans les traces.